un coup de tête. C'est fait, la lettre est envoyée. Le dépit m'a donné du cœur, et de ma main je l'ai jeté à la poste sans avoir peur. Oui, nous revenions de l'église. Ma gouvernante allait devant, nul ne me voyait. Je l'ai mise dans la boîte, résolument. C'est égal, c'est fort. Ah, n'importe, je n'avais pas d'autre moyen. Pas de regrets, et soyons fortes. Reculer ne sert plus à rien. Et puis, j'ai mis si peu de choses. Ma lettre était si courte, quoi. Ce n'est pas bien mal, je suppose. Trois mots. Ernest, enlevez-moi. Et voilà tout. C'est une lettre bien laconique, franchement. Mais j'aurais pu me compromettre en écrivant plus longuement. Enlevez-moi, ça n'est pas grave. Ça se fait dans tous les romans. On voit toujours un seigneur brave, beau, galant, bref, plein d'agréments. Enlever la belle qu'il aime quand... Ah, ce cas est trop commun. Quand, par un despotisme extrême, on ne veut lui donner sa main. Eh bien, ce cas que je déplore, ce cas s'est présenté pour moi. Ernest, un garçon qui m'adore, vient de recevoir son renvoi. Oui, jusqu'à la saison prochaine. Et sait-on pourquoi ? C'est navrant. Cela redouble encore ma peine. Maman me trouve trop enfant. Trop enfant, moi, ça m'exaspère. Enfin, j'ai mes 17 printemps. Mais je ne sais pourquoi, ma mère dit à chacun que j'ai 15 ans. Alors, j'ai l'air petite fille. À 15 ans, l'on ne compte pas. Si quelqu'un me trouve gentille, une enfant, lui dit-on tout bas. Eh bien non, je veux une trêve à ces propos humiliants. C'est demain soir que l'on m'enlève. Voilà ce que font les enfants. Ah, c'est que j'ai du caractère. Nous partirons, tout ira bien. Je suis fille d'un militaire et morbleu. Je n'ai peur de rien. Oui, demain, quand dans le village tout le monde sommeillera, juste à minuit, selon l'usage, Ernest, au jardin, m'attendra. Il sera là, fidèle au poste, m'attendant, rempli de tourments, avec une chaise de poste, comme on le fait dans les romans. Nous irons bien loin de la sorte, à Melun, Venise, Bayeux, Neuilly, Pontoise, peu m'importe, puisque nous serons tous les deux. Et puis, après cette aventure, quand nous daignerons revenir, il faudra bien, je me le figure, que l'on consente à nous unir. Ah mais j'ai de la tête, moi je suis l'enfant de papa. L'on verra si je suis fillette, quand mon Ernest m'enlèvera. Mais, au fait, j'oublie une chose, il n'a pas la clé du jardin. Or, dans la nuit, la porte est close. Ah, mais comment fera-t-il demain ? Si cela dérangeait l'affaire, si cela faisait manquer tout, il ne pourra, la chose est claire, entrer si c'est fermé partout. Alors quoi, notre stratagème ne pourrait plus s'exécuter ? Mais non, je le connais, il m'aime et rien ne saura l'arrêter. Il est capable de tout faire. Dieu, s'il escaladait le mur, il est tout hérissé de verre, il s'y blesserait, ça c'est sûr. Et voyons, quel enfantillage ! À quoi bon penser à cela ? N'est-on pas prudent à son âge ? Quel danger peut-il courir là ? Il agira de façon telle que tout ira parfaitement. Il aura bien sûr son échelle. C'est un garçon si prévoyant. Oui, mais si, quand même, il arrive quelque malheur, je ne sais quoi, alors, oh, quelle perspective ! Ce sera de ma faute, à moi. Si, le matin, quel coup suprême, dans un taillis au pied du mur, je le trouvais inerte et blême. Oh non, non, ce serait trop dur. Oh Dieu, je suis tout inquiète. Je crois que j'ai peur maintenant. Je sens tout tourner dans ma tête. Ah non, non, plus d'enlèvement. Il me semble qu'en moi, tout change. Je voyais rose et je vois noir. J'éprouve un sentiment étrange. Enfin, que puis-je avoir ce soir ? Oh mais, maintenant, plus de fuite. Adieu les beaux événements, je n'en veux plus. Écrivons vite, c'est bel et bon dans les romans. Suis-je ingrate ? Et qu'allais-je faire ? Je partais de gaieté de cœur, et j'oubliais... Ah, pauvre mère ! Je conçois d'ici sa douleur. Elle m'aime, elle, et quand on aime, on souffre pour ceux qu'on chérit. Ah, son chagrin serait extrême si j'eusse fait ce que j'ai dit. Oh, mais va, je suis bien punie. Toi qui m'aimes, je t'oubliais. Maintenant tu seras chérie. Ah, mille fois plus que jamais. Et quand tu me verras si tendre, toujours pleine de dévouement, tu ne pourras rien y comprendre. Et tu diras, qu'a donc l'enfant ? Mais tu l'ignoreras sans cesse, et cela me semblera bon, car je croirai, par ma tendresse, avoir obtenu mon pardon. Tiens, un papier. Quel peut-il être ? Que vois-je ? Ernest, enlevez-moi. Est-ce possible? C'est ma lettre. Dois-je croire à ce que je vois? Comment, ici, sur cette table, moi, je retrouve ce billet lorsque, mais non, c'est incroyable, d'un rêve, je suis le jouet. Et cette lettre que j'ai mise à la poste, moi, ce matin, quelle est donc celle que j'ai prise? Car j'en ai bien mis une, enfin. Oh, mais je crois m'y reconnaître. Oui, je comprends. Oh, quelle erreur! J'ai mis en place de ma lettre le compte de mon blanchisseur. Ernest reçoit une facture pour jupons, col, etc. Ah oh non, quelle étrange aventure! Je vois la tête qu'il fera. Enfin, je n'ai pas à me plaindre, car j'aurais pu, dans mon erreur, expédier, c'était à craindre, cette lettre à mon blanchisseur.